Mais, à cause d'un excès de froid dans sa chambre et de chaud à la bibliothèque, le livre n'avance pas. Jacques se fait donc faire une chaude robe de chambre avec capuchon et peut poursuivre son livre dans sa chambre. Il l'apporte au rédacteur en chef du Figaro, Villemessant. Mais c'est son gendre qui reçoit Jacques. « Mais ça mord votre copie, cher monsieur !» dit un gros homme chauve, en secouant ses doigts en saucisse. « Tenez, voilà un mot pour le caissier. Présentez-le-lui demain, on vous donnera 100 francs. C'est le grand prix. Mais votre article a du chien. Au revoir. 100 francs, à peu près, si je comprends bien, 1 000 euros. Du chien, peut-être bien. Je n'ai pas regardé, comme on l'enseigne à la Sorbonne, si ce que j'écrivais ressemblait à du Pascal ou du Marmontel, à du Juvénal ou à du Paul-Louis Courier, à Saint-Simon ou Sainte-Beuve. Je n'ai eu ni le respect des tropes, ni la peur des néologismes. J'ai pris des morceaux de ma vie et je les ai cousus aux morceaux de la vie des autres, riant quand la vie m'en venait, graissant des dents quand des souvenirs d'humiliation me grattaient la chair sur les os, comme la viande sur un manche de côtelette, tandis que le sang pisse sous le couteau. Mais je viens de sauver l'honneur à tout un bataillon de jeunes gens qui avaient lu les scènes de Bohème et qui croyaient à cette existence insouciante et rose, pauvres dupes à qui j'ai crié la vérité. S'ils en tâtent encore de cette vie-là, c'est qu'ils ne seront bons qu'à faire du fumier d'estaminé ou du gibier de Mazas, prison parisienne. Peu après, suite à une conférence sur Balzac, qui est une charge contre l'Empire, Jacques perd son emploi à la mairie. Que faire? Me voilà lancé à nouveau dans la politique. Mais aujourd'hui, je n'ai pas à craindre de faire destituer mon père. Je n'ai plus le boulet de la famille au pied. Je suis maître de moi. Il ne s'agit que de savoir si j'ai du talent et du courage. Il va alors proposer des articles à Girardin, rédacteur en chef du journal La Liberté. En vain, car ces articles sont trop dangereux pour l'Empire. Je suis donc condamné à l'obscurité et à la misère. Faites des livres. Et encore, je ne suis pas bien sûr qu'on les imprimera, ou qu'ils ne seront pas poursuivis. Faites un héritage plutôt, croyez-moi. Ou de la bourse, ou de la banque. Ou une révolution. Choisissez. Je choisirai. Finalement, Jacques peut écrire des articles dans le Figaro. En vérité, j'ai eu plus de gêne que de plaisir à recevoir certains saluts faits par des hommes que je méprise. Mon vrai bonheur, celui qui m'arrachait des yeux de sincères larmes d'orgueil, c'est lorsque, dans des lettres venues de je ne sais où, et qui m'ont rejoint je ne sais comment, j'ai trouvé des poignées de main d'ignorés et d'inconnus, de conscrits effarés ou de vaincus saignants. J'ai donc pénétré dans la foule. Il y a donc derrière moi des soldats, une armée. Je me sens apprécié par quelques-uns, et j'en avais vraiment besoin, car il est dur de rester comme je l'ai fait, railleur et sombre, tout le long d'une jeunesse robuste. Mais Jacques ne tarde pas à être remercié par le Figaro, car ses articles heurtent les lecteurs.